الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فبفضل الله سبحانه وتعالى وحده وبإحسانه وتوفيقه نجلس لنتفقه في أشرف العلوم أعظمها وأكرمها ألا وهو معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا وممن وفق في الكلام أو الكتابة والتأليف في هذا الموضوع الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن حفظهم الله في كتاب فقه أسماء الله الحسنى. فبفضل الله عز وجل أخذنا عدة أسماء ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والقبول وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. Parmi les grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, le fait qu'il nous permette de s'asseoir dans une de ses demeures, l'endroit le plus aimé chez Allah, la mosquée, afin d'étudier la science la plus noble, la plus bénéfique, la plus profitable pour le serviteur dans ce bas monde et l'au-delà, à savoir la connaissance d'Allah à travers ses noms, à travers ses attributs, à travers ses actions. Et celui à qui Allah Azza wa Jal facilite cette science, certes, il sera le serviteur le plus heureux, il sera le serviteur le plus comblé, car celui qui connaît Allah tabaraka wa ta'ala l'aimera. Et celui qui aime Allah subhanahu wa ta'ala fera les efforts pour se rapprocher de lui. Et celui qui est proche d'Allah, Allah le rapproche et l'aime subhanahu wa ta'ala. Et celui qu'Allah a aimé, il appelle Jibril alayhi salam et lui dit qu'Allah aime un tel, aime-le donc. Alors Jibril se met à l'aimer. Puis Jibril appelle les gens des cieux et leur dit Allah aime un tel, aimez-le donc. Alors les habitants des cieux se mettent à l'aimer. Puis on répand son agrément sur la terre. Et il y a des causes pour aimer Allah. Une des plus grandes causes, c'est de le connaître. D'étudier ses noms, d'étudier ses attributs. Aussi, celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala, il pourra l'adorer. Il pourra l'invoquer. Allah dit dans son livre, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. À Allah appartient les plus beaux noms, invoquez-le donc avec. Invoquez-le donc avec, c'est-à-dire en fonction des sens qu'il y a dans ses noms, adorez-le. Vous savez qu'Allah c'est Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Tawwab. Allah c'est le grand pardonneur. Allah c'est le grand accueillant au repentir. Alors demandez-lui pardon et repentez-vous. Vous savez qu'Allah c'est Al-Sami' et Al-Basir, celui qui entend tout, celui qui voit tout. Alors ayez peur de prononcer ce qui déplaît Allah. Ayez peur de faire ce qui déplaît à Allah. Et à l'inverse, dites ce qui plaît à Allah. Rendez-vous dans les endroits et faites avec vos membres ce qui plaît à Allah. Et ainsi de suite pour tout ce que tu étudies comme nom et comme attribut. Aussi cette science est une grande cause pour être aimé par Allah. Et une grande cause pour entrer au paradis d'Allah. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit « Inna lillah tis'atan wa inna lillahi mi'at asmin » أو إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. Le prophète عليه الصلاة والسلام nous dit certes Allah a 99 noms sans moins un, celui qui les mémorise, c'est-à-dire celui qui les connaît le sens, qui les mémorise et qui adore Allah en fonction du sens de ces noms, entrera au paradis. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يدخلنا أجمعين جنته. Donc on invoque Allah Azza wa Jal afin qu'il nous permette d'entrer dans son paradis. Wa ba'd, fa min asma'illahi subhanahu wa ta'ala al-Quddus wa Subbuh. Sachez mes chers frères qu'il y a parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala al-Quddus et al-Subbuh. أما اسمه تبارك وتعالى القدوس فقد ورد في القرآن مرتين قال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. وقال تعالى يسبح لله ما في السماوات يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. Le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quddus a été mentionné dans le Coran, le livre d'Allah Azza wa Jal, à deux reprises. Dans Surat Al-Hashr et dans Surat Al-Jumu'ah. Dans Surat Al-Hashr, dans le verset 23, dans la traduction du sens 1, c'est lui Allah, nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est lui, le souverain, le pur. Al-Quddus, le pur. Et dans Surat Al-Jumu'ah, dans le premier verset, Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Al-Malik, Al-Quddus. Ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre proclame la pureté d'Allah, le souverain, le pur, le puissant, le sage. Et remarquez que dans les deux seuls endroits dans lesquels on trouve le nom d'Allah Al-Quddus, à savoir Surat Al-Hashr et Al-Jumu'ah, le nom d'Allah Azza wa Jal Al-Quddus est venu à côté de son nom Al-Malik. Est venu à côté de son nom Al-Malik. Wa amma subbuh faqad warada fi sunnah wa dhalika fi ma ra'ahu muslimun fi sahihi عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. Quant au nom d'Allah Al-Subbuh, il a été mentionné dans la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم. Dans le hadith de Aïcha, la mère des croyants رضي الله عنها, apporté par l'imam Muslim dans son authentique, elle nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait dans son inclinaison ainsi que sa prosternation Subbuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh. Wa qad jama alayhi salatu wa salam fi hadha al hadith bayna al tasbih wa al taqdis kama jumi'a baynahuma fi qawlihi ta'ala fi dhikri al tasbih fi dhikri tasbih al malaikati wa taqdisihim lillah wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. En inclinaison, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait subbuhun et quddusun. Donc subbuhun, comme on l'expliquera inshallah ta'ala, celui qui est exempt de tout défaut, de similitude avec ses créatures. Quddusun, le pur. Rabbul Malaika, le Seigneur des anges. Warruh, le Seigneur des anges et de l'esprit, à savoir Jibril alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala, ou plutôt le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, a uni entre le tasbih et le taqdis, a uni entre le fait de mentionner le fait qu'Allah soit exempt de tout défaut, de toute similitude avec ses créatures, et le fait qu'il soit pur. Tout comme ces deux notions ont été unies dans le tasbih des anges et le taqdis qu'ils font d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'ils mentionnent sa pureté. Ainsi, on trouve dans Surat Al-Baqarah, dans le verset 30, وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. Alors que nous sommes là à te sanctifier et à proclamer ta pureté. وَالسُّبُّحُ الْقُدُّسُ إِسْمَانْ عَظِيمَانْ دَلَّانْ عَلَى تَنْزِيهِ اللَّهِ عَنِ النَّقَائِسِ وَالْعُيُوبِ وتبرئته عن كل ما يضاد كماله وينافي عظمته كالسنة والنوم واللغوب والولد والوالد أو والوالد والولد وغيرهما وعن أن يشبهه أحد من خلقه أو أن يشبهه هو أحدا من خلقه تعالى وتقدس وتنزه عن الشبيه والنظير والمثال ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. السبوح القدوس sont deux noms parmi les immensions d'Allah subhanahu wa ta'ala dans lesquels il y a la notion de pureté pour Allah subhanahu wa ta'ala, la notion qui nous montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est exempt de tout défaut, de toute imperfection, de tout mal. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit purifié de tout ce qui peut entacher sa perfection, Allah est exempt, éloigné, élevé au-dessus de tout ce qui peut toucher à sa perfection, de tout ce qui peut venir à l'encontre de son immensité et de sa perfection. Comme la somnolence, comme le sommeil, comme la fatigue ou l'épuisement, comme le fait d'avoir des parents ou des enfants, et toute autre chose qui vienne à l'encontre de sa perfection et de son immensité. Tout comme il est purifié et élevé au-dessus d'avoir un égal ou d'avoir une créature qui lui soit semblable, ou bien que lui ressemble et soit similaire à l'une de ses créatures, subhanahu wa ta'ala. Allah est pur au-dessus de tout cela, exempt d'avoir un égal ou une créature qui lui soit similaire dans la perfection de ses attributs, ou qui lui ressemble dans certains attributs, ou qui lui soit égal. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Dans sourate Ash-Shura, Allah nous dit: il n'y a rien qui lui soit similaire, et c'est lui l'audient, le clairvoyant. ومجموع ما ينزه عنه تبارك وتعالى شيئان. Et on peut résumer ce devant quoi nous devons proclamer la pureté d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait qu'il soit exempt de cela. On peut résumer cela en deux catégories. La première, annahu munazzahun an kulli ma yunafi sifati kamali fa inna lahu al-muntaha fi kulli sifati kamali fa huwa al-mawsuf bi kamali al-ilm wa kamali al-qudrati munazzahun amma yunafi dhalika min as-nisyan wal-ghaflati wa an yu'zaba وأي يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ومنزه عن العجز والتعب والإعياء واللغوب وموصوف بكمال الحياة والقيومية منزه عن ضدها من الموت والسنة والنوم من الموت والسنة والنوم موصوف بالعدل والغنى التام منزه عن الظلم والحاجة إلى أحد بوجه من الوجوه وموصوف بكمال الحكمة والرحمة منزه عما يضاد ذلك من العبث والسفة وأن يفعل أو يشرع ما ينافي الحكمة والرحمة وهكذا جميع صفاته منزه عن كل ما ينافيها ويضادها. La première catégorie consiste à dire qu'Allah Azza wa Jal est purifié et exempt de tout ce qui vient à l'encontre de sa perfection. Allah Azza wa Jal, les attributs de perfection. Ben, toute caractéristique, toute chose qui vient à l'encontre, qui vient en contradiction avec la perfection de ses attributs, Allah en est purifié. Allah en est exempt. Car il a la perfection absolue dans l'ensemble de ses attributs. La perfection au-delà de laquelle il n'y a pas d'autre perfection. C'est celui qui est décrit par la perfection absolue, dans sa science, dans sa pleine capacité. Il est donc exempt et purifié de tout ce qui vient à l'encontre de cela, comme la somnolence, comme le fait d'être distrait. Rien ne lui est difficile. Il ne peut être rendu incapable. Il ne peut être sujet à la fatigue, à la lourdeur. Il est décrit par la perfection de la vie et de la gérance, et donc purifié de tout ce qui vient à l'encontre de ses caractéristiques, comme la mort, la somnolence ou encore le sommeil. Il est décrit par la justice, l'équité, la suffisance, l'autosuffisance totale, la richesse absolue. Il est donc purifié de tout un type d'injustice, de tout type de besoin, devant qui que ce soit et de quelque point de vue que ce soit. Il est décrit par la perfection de la sagesse et de la pitié et de la miséricorde. Il est donc purifié de ce qui vient à l'encontre de cela, comme le fait d'agir sans sagesse, comme le fait de faire ou de légiférer en contradiction avec la sagesse ou la miséricorde. Et il en est ainsi pour l'ensemble de ses attributs. Tout ce qui vient à l'encontre de la perfection des attributs d'Allah, Allah en est purifié, Allah en est exempt, et il est bien au-dessus de tout cela. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, أَنَّهُ مُنَزَّهٌ عَنْ مُمَاثَلَةِ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ. Donc la première catégorie, c'est de dire qu'Allah Azza wa Jal est purifié, est pur, est exempt de tout ce qui vient à l'encontre de sa perfection. La deuxième catégorie consiste à dire qu'Allah Azza wa Jal est purifié de toute similitude avec ses créatures. Nul parmi ses créatures ne ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala, lui est similaire dans ses attributs. Et Allah Azza wa Jal lui-même n'est pas similaire à l'une de ses créatures dans ses attributs et sa perfection. أنه منزه عن مماثلة أحد من خلقه أو أن يكون له ند بوجه من الوجوه فالمخلوقات كلها وإن عظمت وشرفت وبلغت المنتهى الذي يليق بها من العظمة والكمال اللائق بها فليس شيء منها يقارب أو يشابه الباري بل جميع أوصافها تضمحل إذا نسبت إلى صفات رب إلى صفات باريها وخالقها بل جميع ما فيها من المعاني والنعوت والكمال هو الذي أعطاها إياه فهو الذي خلق فيها العقول والسمع والأبصار والقوة الظاهرة والباطنة وهو الذي علمها ولهمها وهو الذي نماها ظاهرا وباطنا وكملها. Allah subhanahu wa ta'ala est purifié d'avoir un égal, d'avoir un semblable, de quelque point de vue que ce soit, l'ensemble des créatures, malgré leur multitude et leur grand nombre, quand bien même elles auraient une immensité, une noblesse, et quand bien même elles auraient atteint ce qu'elles peuvent atteindre comme perfection à leur niveau de créature, en adéquation avec leur caractère créé, il n'y a rien ni personne qui peut se rapprocher de la similitude d'avec la perfection de son créateur. Rien n'est similaire à Allah, et rien ne peut se rapprocher parmi ses créatures, aussi immense soit-elle, de la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. بل جميع ما فيها من المعاني والنعوت. Bien au contraire, tout l'essence, toutes les qualités et les caractéristiques de perfection que possèdent les créatures, c'est Allah lui-même, le Créateur, qui les a dotées de ces caractéristiques. C'est lui qui a créé la raison pour ces créatures, ainsi que l'ouïe et la vue, la force, la capacité, que ce soit de manière apparente, ou extérieure ou intérieure. C'est lui qui leur a enseigné, les a orientés. C'est lui qui les a fait grandir jusqu'à ce qu'elles atteignent leur perfection. فهو المنزه عن كل ما ينافي صفات المجد والمجد والعظمة والكمال وهو المنزه عن الضد والند والكفء والأمثال. Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui est purifié, exempt de tout ce qui peut contredire la perfection de ses attributs d'immensité, sa perfection, son immensité, sa grandeur. Et c'est celui qui est exempt et purifié d'avoir un opposant, d'avoir un égal, d'avoir des semblables. Allah Azza wa Jal est exempt et purifié de tout cela. Parce que c'est Subbuh et c'est Al-Quddus. وينبغي أن يعلم هنا أن تسبيح الله وتقديسه إنما يكون بتبرئة الله وتنزيهه عن كل سوء وعيب مع إثبات المحامد وصفات الكمال له سبحانه على الوجه اللائق به. Et ici il convient de faire attention à un point, de savoir que lorsqu'on proclame la pureté d'Allah et qu'on dit qu'Allah est éloigné et exempt de telle ou telle chose, c'est des défauts et des imperfections. Quand on proclame la pureté d'Allah et nous affirmons et proclamons qu'Allah est exempt de toute similitude avec ses créatures, c'est-à-dire qu'on rejette de manière générale et détaillée toute similitude entre Allah et ses créatures, et qu'en même temps on lui affirme la perfection du contraire, la perfection dans ses noms, la perfection dans ses attributs, la perfection et la louange qui lui revient de droit. Comme il sied à sa perfection, comme il sied à sa perfection subhanahu wa ta'ala. Non pas que de renier les attributs d'Allah, non pas que de rejeter ce qu'Allah a affirmé soit du hamd ou du tasbih ou du taqdis, non. Et tasbih et taqdis, c'est le fait de rejeter les défauts, le fait de rejeter les imperfections. Mais certaines personnes se sont égarées dans ce domaine-là et ont pensé faire du tasbih et du taqdis en rejetant ce qu'Allah s'est affirmé à lui-même, en rejetant des noms et des attributs. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والأمر بتسبيحه يقتضي تنزيهه عن كل عيب وسوء وإثبات المحامد التي يحمد عليها فيقتضي ذلك تنزيهه وتحميده وتكبيره وتوحيده. ابن تيمية رحمه الله تعالى et l'ordre de proclamer sa pureté et le fait qu'il soit exempt de toute similitude avec ses créatures et tout défaut comprend le fait de dire qu'Allah est éloigné de tout défaut, de tout mal et de toute imperfection, tout comme ça consiste en même temps à affirmer l'ensemble de ses louanges et de ses perfections, ce pourquoi Allah est loué. Et cela comprend forcément le fait de dire qu'Allah est éloigné et exempt de tout défaut, toute imperfection, et aussi de le louer, de proclamer sa grandeur et son unicité. وبه يعلم أن ما يفعل المعطلة من أهل البدع من تعطيل للصفات وعدم إثبات لها وجحد الحقائق وجحد لحقائقها ومعانيها ومعانيها بحجة أنهم يسبحون الله وينزهونه فهو في الحقيقة ليس من التسبيح والتقديس في شيء بل هو إنكار وجحود وضلال وبهتان. Avec ce qu'on vient de comprendre, nous savons désormais que ce que font ceux qui rejettent des noms ou des attributs d'Allah, ceux qui rejettent ce qu'Allah s'est affirmé pour lui-même, s'est affirmé à lui-même parmi les gens de l'innovation, ceux qui rejettent de ces attributs et qui ne les affirment pas, ou qui en renient l'essence réelle, en prétendant rechercher à travers cela, proclamer la pureté d'Allah et éloigner Allah de tout défaut, en réalité cela n'a aucun lien avec le tasbih, n'a aucun lien avec le taqdis. Celui qui rejette ce qu'Allah a affirmé dans le Coran, il n'a pas fait du tasbih, il n'a pas fait du taqdis. Parce que faire et tasbih et taqdis, c'est le fait de rejeter les défauts et les imperfections d'Allah. Quant à eux, ils rejettent ce qu'Allah s'est affirmé dans le Coran. Ils rejettent ce que le Prophète a affirmé pour Allah. Et quand on leur demande pourquoi, ils disent on proclame la pureté d'Allah. Ils disent on proclame la perfection d'Allah. Or, ils se sont égarés dans ce chemin. Or, ils n'ont pas fait ce qu'ils prétendent ici, mais ça n'est qu'égarement, ça n'est qu'innovation. Ça n'est que rejet de ce qu'Allah s'est affirmé à lui-même ou lui a affirmé le prophète alayhi salatu wassalam, et ça n'est que mensonge à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ibn Rajab rahimahullah ta'ala fi ma'na qawlihi ta'ala fasabbih bihamdi rabbik ay sabbihu bima hamida bihi nafsa idh laysa kullu tasbihin bimahmud kama anna tasbih al-mu'tazilati yaqtadhi ta'til kathirin من الصفات. ابن رجب رحمه الله تعالى nous dit dans le sens de la parole d'Allah Azza wa Jal de Surah Al-Hijr, glorifie-t-on ton Seigneur par sa louange et sois de ceux qui se prosternent. C'est-à-dire, dit qu'il est exempt en proclamant ses louanges de par ce par quoi il s'est loué lui-même. Dit qu'Allah est innocent de tout ce qu'il dit à son sujet. Dit qu'Allah est purifié de tout défaut, de toute imperfection. En mentionnant ce par quoi il s'est loué lui-même. En mentionnant ce par quoi il s'est loué lui-même. Car ça n'est pas tout tasbih qui est louable. Ça n'est pas tout tasbih qui est louable. C'est pas à chaque fois que tu dis Allah n'est pas comme ceci, Allah n'a pas cela, Allah n'a pas cela, que c'est une bonne chose. Non. À l'image du tasbih des adeptes de la secte Al-Mu'tazila. Al-Mu'tazila est une secte égarée et parmi leur égarement, ils disent Allah n'a pas d'attribut. Il rejette, pardon, les noms d'Allah subhanahu, il rejette les attributs d'Allah. Il rejette les attributs d'Allah azza wa jal. Et ils font devancer la raison sur les textes. Ils font devancer la raison sur les textes. Et ils altèrent le sens de ce qui a été mentionné dans le Coran et la Sunna afin de tomber en concordance avec leur égarement. Donc ce sont des innovateurs qui se sont éloignés de la voie du prophète alayhi salatu wassalam. Et eux, le tasbih qu'ils font lorsqu'ils disent Allah n'est pas comme ceci, Allah n'est pas comme cela, Allah n'a pas ceci, Allah n'a pas cela, en réalité ils sont tombés dans jahd as-sifat, dans jahd as-sifat, en prétendant dire qu'Allah n'a pas ceci, n'a pas cela, ils n'ont pas affirmé sa perfection, au contraire ils ont rejeté des attributs affirmés dans le Coran et la Sunna. Ils ont rejeté les attributs affirmés dans le Coran et la Sunna. قوله رحمه الله إذ ليس كل تسبيح بمحمود كلام في غاية الأهمية إذ إن تسبيح الله بإنكار صفاته وجحدها وعدم إثباتها أمر لا يحمد عليه فاعله بل يذم غاية الذم ولا يكون بذلك من المسبحين بحمد الله بل يكون من المعطلين المنكرين الجاحدين من الذين نزه الله نفسه عن قولهم وتعطيلهم بقوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فسبح الله نفسه عما أصف بالمخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه في حق الله من النقص والعيب. Après avoir mentionné la parole d'Ibn Rajab, on nous dit, la parole d'Ibn Rajab dans laquelle il nous dit, ça n'est pas toute personne qui dit Allah n'est pas comme ceci, Allah n'est pas comme cela, Allah n'a pas ceci, Allah n'a pas cela, en prétendant proclamer sa pureté, qui fait une chose louable. Ça n'est pas toute personne qui s'adonne à cela qui fait une chose louable. Cette parole-là d'Ibn Rajab a la plus haute importance et la plus haute pertinence. Car le fait de dire Allah n'est pas comme ceci, Allah n'est pas comme cela, mais en reniant et en rejetant ses attributs avérés et affirmés, en réalité, c'est un rejet. Et c'est ne pas affirmer ce qu'Allah s'est affirmé à lui-même ou l'a affirmé le prophète alayhi salatu wassalam. Et cet agissement, en aucun cas n'est louable. Celui qui agit ainsi, en aucun cas est louable. Au contraire, il est blâmable au plus haut point. Il n'entre pas du nombre de ceux qui proclament la louange d'Allah. Au contraire, il fait partie de ceux qui ont renié les attributs d'Allah. Il fait partie de ceux dont Allah s'est innocenté. Lorsqu'il nous dit dans Surat As-Saffat, Subhan Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun, Wa Salamun Ala Mursalin, Walhamdulillahi Rabbil Alamin, Exempt soit ton Seigneur, le détenteur de la puissance, devant tout ce qui, devant tout ce par quoi ils le décrivent. Et que la paix soit sur ses messagers, et toutes les louanges reviennent de droit à Allah, le Seigneur des mondes. Allah subhanahu wa ta'ala a proclamé ici qu'il proclame la pureté de son être devant ceux qui ont proféré, ceux qui ont contredit les messagers comme paroles mensongères à son sujet. Et parmi ces paroles mensongères, le fait de renier les attributs d'Allah. Puis Allah Azza wa Jal nous dit « Wa salamun ala al-mursalin » et paix sur les messagers de par la paix et le bien qu'ils ont dit, de par le caractère saint de ce qu'ils ont dit sur Allah subhanahu wa ta'ala, devant toute imperfection et tout défaut. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal nous dit « Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifu » Allah Azza wa Jal dans ce passage-là nous dit qu'il se désavoue de tout ce qu'ils ont dit à son sujet. Allah est purifié de tout cela. Allah est exempt de tout le mal qu'ils disent sur lui, toute imperfection et tout défaut. Puis il nous dit wa salamun ala al-mursalin, salamun ala al-mursalin. Paix sur les messagers. Pourquoi? De par la pureté de ce qu'ils ont dit sur Allah. Car leurs paroles ne comprennent pas de défaut ni d'imperfection à l'égard d'Allah subhanahu à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il nous dit walhamdulillahi rabbil alamin, après nous avoir dit qu'il est pur et exempt de tout défaut, et accorder la paix sur les messagers parce qu'ils ont dit que le bien sur Allah, des paroles purifiées et exempt de tout défaut et toute imperfection, il nous dit walhamdulillahi rabbil alamin, et toutes les louanges reviennent de droit à Allah, Seigneur de l'univers. Inna tasbih Allah wa taqdisahu وتنزيهه وتعظيمه يجب أن يكون وفق دلائل الكتاب والسنة وفي ضوء فهم سلف الأمة ولا يجوز بحال أن يبنى على الأهواء المجردة أو الظنون الفاسدة أو الأقيسة العقلية الكاسدة كما هو شأن عند أرباب البدع المعطلين لصفات الرب سبحانه زعما منهم أن هذا من باب التسبيح والتقديس ومن كان يعتمد في باب التسبيح والتعظيم على هواه بغير هدى من الله فإنه يزل في هذا الباب ويقع في أنواع من الباطل وصنوف من الضلال ومن عافاه الله من هذا السبيل في تسبيحه فقد هدي إلى صراط مستقيم. le fait de proclamer la pureté d'Allah et le fait qu'il soit purifié de tout défaut, de toute similitude avec ses créatures, tout comme le fait de mentionner sa grandeur et son immensité, doit absolument être fait en conformité avec les textes du Coran et la Sunna, à la lumière des pieux qui nous ont précédés dans la communauté. Et il n'est en aucun cas permis de baser ce sujet sur les passions simples et les mauvaises opinions et les analogies et les fausses analogies, comme c'est le cas chez les adeptes de l'innovation, ceux qui ont renié, rejeté les attributs du Seigneur subhanahu wa ta'ala en prétendant que cela entrait dans le domaine du tasbih et du taqdis. C'est-à-dire que des gens de l'innovation ont dit Allah n'est pas comme ceci, Allah n'est pas comme cela, Allah n'a pas ça, on ne dit pas ça sur Allah. Ils sont arrivés au point de rejeter ce qu'Allah s'est affirmé pour lui-même. Donc quelle voie ils ont emprunté pour faire le tasbih et le taqdis? Ils ont emprunté la voie des passions, la voie de l'innovation. Ils ne se sont pas arrêtés à ce qui est venu dans le Coran et la Sunna. Ils n'ont pas regardé comment agir les compagnons pour les copier. Non. Mais ils ont suivi des maîtres égarés, des gens de la passion et des innovateurs. Ainsi, celui qui agit de la sorte aura suivi ses passions. Et il n'aura pas suivi une guidée émanant d'Allah. Et sans aucun doute, il s'égarera et glissera. Celui qui tombe dans cet abîme, il commettra une multitude d'erreurs et un ensemble d'écarts. Quant à celui qui aura été préservé par Allah de ce chemin de l'égarement dans le domaine du tasbih, voici celui qui aura été guidé sur le chemin droit. إذ التسبيح طاعة عظيمة وعبادة جليلة حبيبة إلى الرحمن ثقيلة في الميزان كما قال صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم متفق عليه. التسبيح c'est une obéissance à Allah, une grande adoration qui est aimé du tout miséricordieux, qui pèse lourd sur la balance, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Il y a deux paroles légères sur la langue, lourdes sur la balance, aimé du tout miséricordieux. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous informe dans ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe dans ce hadith. Et c'est le dernier hadith, si mes souvenirs sont bons, dans Sahih al-Bukhari, qu'il y a deux paroles. Et ici, le kalima, عند العرب تطلق على الجملة المفيدة لا على اللفظ الواحد. الكلمة يعني سبحان الله وبحمده وكلمة سبحان الله العظيم. نعم الكلمة لا إله إلا الله. Le prophète nous dit il y a deux paroles qui sont légères sur la langue. Il dit c'est facile à dire, ça ne te cause aucune lourdeur, aucune difficulté. Mais très lourdes sur la balance. C'est-à-dire la balance des actions de Malqiyama, lorsqu'on sera amené à comparaître, lorsqu'on sera jugé, et qu'il y aura les hasanat et les seyyiat, lorsque les gens vont devoir peser ou bien être amenés à peser leurs actions. Si la balance des hasanat est plus lourde, ils entrent au paradis. Si la balance des péchés est plus lourde, ils entrent en enfer, iyadan billah. À ce moment-là, le serviteur aura besoin de quoi? D'alourdir sa balance de bonnes actions. Le prophète, alayhi salatu wa salam, ici nous donne un trésor. Il nous donne un trésor pour alourdir notre balance. Avec une action comme décrite ici, khafifatan al-lisan. Elle est légère sur la langue. Légère sur la langue, c'est facile, c'est simple. Mais il faut qu'Allah t'assiste. Mais il faut connaître l'importance. Mais il faut une assistance d'Allah, une guidée de la part d'Allah. Parce que l'action, si faible soit-elle, aussi simple soit-elle, personne ne peut la faire sans l'aide d'Allah. Parce que la hawla wa la quwwa illa billah. Nulle personne n'a la capacité de passer d'un état à un autre et d'avoir la force de le faire si ce n'est avec l'aide d'Allah. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah al-azim. Deux paroles très simples à dire, très faciles à prononcer. Tu peux les prononcer autant de fois que tu peux dans la journée, dans la nuit, dans la soirée, dans la matinée. À chaque fois que tu prononces cette parole, Subhanallah wa bihamdi, ou bien Subhanallah al-azim, c'est des hasanat. Et le jour de la résurrection, on va t'apporter toutes ces hasanat-là. Et elles seront sur ta balance. Pour alourdir ta balance, pour que ce soit une cause pour entrer au paradis. Donc il faut connaître l'importance de ces paroles, le mérite de ces paroles, la facilité à prononcer ces paroles. Mais en même temps, il te faut demander à Allah de t'aider à prononcer ces paroles. Parce que si Allah ne t'assiste pas et ne t'aide pas, tu ne pourras, on ne pourra prononcer ces paroles. C'est pour cela que le prophète sallam a dit aux compagnons, ne vais-je pas vous enseigner comment faire beaucoup de dhikr? Ils ont dit, certes au messager d'Allah, informe-nous. Et il leur a appris une dua. Il leur a dit, dites, Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Ou Allah, aide-nous à beaucoup te mentionner. Ou nous souvenir de toi. Aide-nous également à être reconnaissant envers toi. Aide-nous également à t'adorer de la belle manière, de la manière convenable. Donc tu demandes à Allah qu'il t'aide en disant Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Et dhikr, c'est une des adorations les plus aimées chez Allah, une des adorations qui pèse le plus lourd sur la balance. Un des compagnons nous dit la dernière parole qu'il a mémorisée du prophète alayhi salat wa salam lorsqu'il lui a demandé une recommandation. Et il lui a dit, fais en sorte que ta langue ne s'assèche jamais de la mention d'Allah. Fais toujours du dhikr. Fais toujours du dhikr. Et le prophète alayhi salat wa salam a informé que ceux qui font beaucoup de dhikr, ils ont dépassé les autres. Ils ont dépassé les autres. Un jour, alors qu'il passa près d'une montagne qui s'appelle Hamdan ou Jumdan, j'ai oublié, il a dit aux compagnons, voici la montagne. Sabaq al-Mufarridoun. Al-Mufarridoun ont dépassé tout le monde. Ils ont dit, qui sont-ils au message d'Allah? Il a dit, al-Dhakirin Allah kathira. Wa al-Dhakirat. Ceux qui mentionnent beaucoup Allah et celles qui le mentionnent beaucoup. Ceux qui font beaucoup de dhikr ont dépassé les autres. C'est une adoration qui requiert de ta part aucun effort. Aucune participation financière. Aucune participation physique. Tu n'as que besoin de l'assistance d'Allah et de son aide pour te souvenir de lui, pour le mentionner. Et plus tu auras connaissance des sens de ce que tu prononces, plus ça aura un effet sur ton cœur, sur ta langue, sur tes membres, dans ta subsistance, dans ta vie, sur tes proches, dans tes biens, et ainsi de suite. Et il est bon pour cela d'étudier le livre Al-Kalimu Tayyib d'Ibn Taymiyyah rahimahullah. Cheikh Abd Razak a fait l'explication, et pour les francophones, vous allez sur la voie droite, il y a explication qui vous sera inshallah ta'ala profitable. Cette parole est légère sur la langue, lourde sur la balance, c'est-à-dire elle va alourdir le plateau de hasanat yawm al-qiyam. Troisième information, habibatan ila rahman. Ces deux paroles là, subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim, habibatan ila rahman. Elles sont aimées du tout miséricordieux. Allah tabaraka wa ta'ala aime entendre son serviteur prononcer ces paroles. Celui qui aime Allah découle de cela qu'il aime ce qu'Allah aime, n'est-ce pas? Celui qui aime Allah découle de cet amour-là le fait qu'il va aimer ce qu'Allah aime. Ben ici le prophète alayhi salatu wassalam, celui qui nous a été envoyé en tant qu'enseignant, en tant que conseiller, en tant que miséricorde pour les mondes, nous informe ici d'une chose qu'Allah aime. Ce sont ces deux paroles. Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azim, Habibatani al-Rahman. Ces deux paroles sont aimées auprès du tout miséricordieux. Donc à chaque fois que tu prononceras cela, tu diras une chose qu'Allah aime. Et celui qui fait ce qu'Allah aime, Allah le rapproche de lui. et lui permet de faire à nouveau ce qu'Allah aime. Parce que quand tu vois une personne faire une hasana, sache qu'elle va en faire d'autres. Allah Azza wa Jal va le récompenser. Et parmi les récompenses, le fait de l'aider à faire encore des hasanat. C'est pour cela, celui qui dit une fois Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azim, Allah va l'aider à le dire encore plus, et encore plus. Puis il va lui apprendre un deuxième dhikr, puis un troisième, puis un quatrième, wa hakaza. Tu verras que ce serviteur se réveillera avec le dhikr. Il se couchera avec le dhikr. Il sortira de chez lui avec le dhikr. Il rentrera chez lui avec le dhikr. Il approchera son épouse avec le dhikr. Il entrera aux toilettes avec le dhikr. Il en sortira avec le dhikr. Il commencera à manger avec le dhikr. Il finira avec le dhikr. Sa vie tout entière sera régie par le dhikr. Parce que celui qui aime Allah, il fera ce qui plaît à Allah. Et celui qui se soumet à Allah, Allah Azza wa Jal l'assistera. Et si Allah t'assiste, toute ta vie sera régie selon ce qui plaît à Allah Azza wa Jal. Et on voit ici que parmi les choses qui plaît à Allah Azza wa Jal, dhikrullah. Celui qui mentionne Allah, Allah le mentionnera. Allahu Akbar. Fadhkuruni adhkurkum. Washkuruni. Wala takfurun. Un des plus grands bienfaits du dhikr, c'est que si toi tu mentionnes Allah, et ça c'est normal, quand tu mentionnes Allah, tu mentionnes ton créateur. Celui qui t'a tout donné. Celui qui t'a créé à partir de rien, t'a donné ta subsistance. Te soigne quand t'es malade, t'a guidé à l'islam. Les gens que t'aimes, c'est Allah qui te les a donnés. Donc le fait que tu mentionnes Allah et qu'il ait la grande part de ton cœur, c'est tout à fait normal. Par contre, la chose qui est immense ici, c'est qu'Allah, et on ajoute avant cela, que tu as besoin d'Allah, tu es dépendant d'Allah, tu ne peux pas te passer d'Allah ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Donc tu mentionnes Allah, c'est tout à fait normal. Par contre, la chose qui est grandiose ici, magnifique, c'est le fait qu'Allah, lui, celui qui se passe largement des montres, celui qui n'a besoin de personne, celui qui n'a pas d'égal, pas de besoin, celui qui subsiste par lui-même et sans lequel personne ne peut subsister, lui le puissant, le fort, il nous mentionne, nous, les faibles, les besogneux, nous les créatures, nous les pécheurs qui lui désobéissons, de jour comme de nuit, nous, Allah nous mentionne. Et ça, c'est un bienfait incommensurable. Personne ne peut l'estimer à sa juste valeur. Fadkuruni adkurkum. Ainsi, Ikhwanil Kiram, on prononce ce dhikr-là. Kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizan habibatani ar-rahman subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim wa huwa salatu jami' al-makhluqat kama qala ta'ala tusabbihu lahu as-samawati as-sab' wal ard wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. At-tasbih, c'est la prière de toutes les créatures. Toutes les créatures adorent Allah Azza wa Jal par la mention de sa pureté. Ainsi, dans Surat al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, sur la traduction des sens de ce verset, les sept cieux et la terre et ceux qui se trouvent célèbrent sa pureté. Célèbrent sa pureté. Et c'est na'am. Et il n'existe rien qui ne célèbre sa pureté et ses louanges. Mais vous ne comprenez pas leur façon de glorifier. Mais vous ne comprenez pas leur façon de faire. C'est certes lui qui est indulgent et pardonneur. Allah nous dit dans le Coran que toute chose mentionne Allah en disant qu'Allah est exempt de tout défaut, de toute imperfection. Et de toute ressemblance avec ces créatures, toutes choses, c'est-à-dire les montagnes, c'est-à-dire les animaux, c'est-à-dire le poisson dans la mer, toutes choses. Mais Allah nous dit, mais on ne comprend pas. Les oiseaux, les poissons, les créatures, tout ce qu'il y a, les cieux, la terre, mais la tafqahuna tasbihahum. Est-ce qu'il mentionne sa pureté pour de vrai? Ou est-ce que c'est une image seulement? Non, pour de vrai. C'est pour ça qu'on nous dit walakin, mais vous ne comprenez pas. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Innahu kana haliman ghafura. Il est certes indulgent et pardonneur. Wa bihi turzaq. Kama sahha an Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. At-tasbih alourdit ta balance. At-tasbih, est léger sur la langue. At-tasbih, est aimé du tout miséricordieux. At-tasbih, est la mention et la prière de toutes les créatures. At-tasbih, c'est une cause de richesse. C'est une cause pour obtenir ta subsistance. Comme cela a été affirmé selon Abdullah ibn Amr ibn As, radiallahu anhuma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, inna Nuhan alayhi salam, qala libnihi inda mawti. Nuh alayhi salam a dit à son fils lors de son, lorsqu'il s'apprêtait à mourir, amuruka bila ilaha illallah. Fa inna samawati sab'a, wal aradina sab'a, la wudi'at fi kiffatin, wudi'at la ilaha illallah, fi kiffah, rajahat bihinna la ilaha illallah. ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة قسمتهن لا إله إلا الله أو مبهمة قسمتهن لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده فإن صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق رواه أحمد رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب والبخاري في الأدب المفرد رحمة الله عليهما. Le prophète عليه الصلاة والسلام nous dit سبحان الله وبحمده. Le fait de faire ce dhikr, de dire سبحان الله وبحمده, exempt soit Allah de tout défaut et à lui revient toutes les perfections. Le fait de dire ça, سبحان الله وبحمده, c'est la prière de toutes choses. Toute chose adore Allah ainsi. Et c'est la cause par laquelle toutes les créatures reçoivent leur subsistance. Je répète, Subhanallah wa bihamdi, fa inna salatu kulli shay, wa biha yurzaku khalq, wa biha yurzaku khalq. Subhanallah wa bihamdi, cette parole-là est la prière de toute chose. Et par celle-ci, toutes les créatures reçoivent leur subsistance. Et de par l'importance du hadith, je le reprends du début, après avoir mentionné la partie pour laquelle l'auteur l'a mentionné ici. C'est que Nuh, alayhi salam, au moment de décéder, a fait des recommandations à son fils. Et lui a dit, je t'ordonne la ilaha illallah. Qui signifie nulle divinité n'est réellement digne d'être adoré si ce n'est Allah. C'est-à-dire, tu renies le droit à l'adoration pour tout autre que Allah, si tu affirmes que le seul qui mérite l'adoration, c'est Allah. Je t'ordonne la ilaha illallah, certes, les sept cieux et les sept terres, si tout cela avait été mis sur un plateau de la balance, et que la ilaha illallah avait été mis sur l'autre plateau de la balance, la ilaha illallah aurait pesé plus lourd. Et si les sept cieux ainsi que les sept terres représentaient un anneau, la ilaha illallah l'aurait brisé. Et subhanallah wa bihamdi est la prière de toutes choses. La mention ou l'invocation de toute chose. Et c'est par celle-ci, cette parole, que toute créature reçoit sa subsistance. Ja'alallahu min al-musabbihin bihamdi al-mu'minin bi asma'ihi wa sifati al-muhaqqiqin li-tawhid wa ta'zim innahu sami'un mujib. Et l'auteur finit par des invocations pieuses en disant qu'Allah nous joigne à ceux qui mentionnent sa pureté et sa perfection, au nombre des croyants en ses noms et ses attributs, au nombre de ceux qui auront concrétisé son unicité et son immensification, c'est certes celui qui est Sami'un et Mujib. Wa min asma'illahi subhanahu wa ta'ala al-hamid wa qad takarrara wurudu hadha l'ismi في القرآن الكريم 17 مرة. قال الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال تعالى وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. وقال تعالى واعلموا أن الله غني حميد. وقال تعالى ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. أي الذي له الحمد كله المحمود في ذاته وأسمائه وصفاته فله من أسماء أحسنها ومن الصفات أكملها والحمد أوسع الصفات وأعم المدائح وأعظم الثناء لأن جميع أسماء الله تبارك وتعالى حمد، وصفاته حمد، وأفعاله حمد، وأحكامه حمد، وعدله حمد، وانتقامه من أعدائه حمد، وفضله وإحسانه إلى أوليائه حمد، والخلق والأمر إنما قام بحمده ووجد ووجد بحمده وظهر بحمده، وكان الغاية منه هي حمده، فحمد سبحانه سبب ذلك وغايته ومظهره، فحمده روح كل شيء وقيام كل شيء بحمده، وسريان حمده في الموجودات وظهور آثاره أمر مشهود بالبصائر والأبصار. Le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala Al-Hamid s'est répété dans le Coran à 17 reprises. Dans Surat Fatir, dans Surat Al-Hajj, dans Surat Al-Baqarah, dans Surat Luqman et dans bien d'autres. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit sur la traduction des sens de ces versets: ô vous les gens, vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah. Et c'est Allah qui... C'est Allah, lui, qui se dispense de tout. Il est le digne de louange. Dans l'autre verset, ils ont été guidés vers la bonne parole et ils ont été guidés vers le chemin du digne des louanges. Dans le Baqarah, et sachez qu'Allah n'a besoin de rien et qu'il est digne de louange. Dans l'Uqman, et en vérité, Allah se dispense de tout et il est digne de louange. C'est-à-dire, celui qui a la louange tout entière, celui qui est loué pour, et à qui est loué de par son essence, de par ses noms, de par ses attributs, il a parmi les noms les plus sublimes, les meilleurs. Et parmi les attributs les plus parfaits, la louange, Alhamd, c'est l'attribut le plus vaste et les éloges les plus générales et la plus belle des paroles. Car l'ensemble des noms d'Allah est louange. L'ensemble de ses attributs est louange. L'ensemble de ses faits est louange. L'ensemble de ses jugements est louange. Sa justice est louange. Sa vengeance devant ses ennemis, de ses ennemis est louange. Ses grâces et ses faveurs envers ses bien-aimés rapprochés est louange. Sa création et son art n'a été maintenu et n'a été fait que pour sa louange. Et nous existons que pour proclamer sa louange et la faire apparaître. Et nous avons été de par sa louange. Et nous sommes là ayant pour but proclamer sa louange. La louange d'Allah subhanahu wa ta'ala est la cause de tout cela et le but à faire apparaître. C'est l'âme de toute chose. Et toute chose ne se lève que pour sa louange et par sa louange. Et l'apparition des effets de sa louange sur toute chose est évidente à l'œil nu et de par la science. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأيضا فإن الله سبحانه أخبر أنه أن له الحمد أنه له الحمد وأنه حميد مجيد وأن له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم ونحو ذلك من أنواع المحامد. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نجي aussi certes الله سبحانه nous a informé qu'à lui revient la louange, qu'il est le digne de louange, afwan, le digne de louange, le sublime, et qu'il a la louange dans cette demeure et dans l'autre. Et à lui revient le jugement. Et d'autres choses parmi les sortes de louanges. وَالْحَمْدُ نَوْعَانِ La louange est de deux types. حَمْدٌ عَلَى إِحْسَانِ إِلَى عِبَادِ وَهُوَ مِنَ الشُّكْرِ Le premier type de louange, c'est le fait qu'Allah est loué pour sa bienfaisance envers ses serviteurs. Ainsi, ça fait partie de la reconnaissance. Retenez, Allah est loué pour deux choses. La première est qu'Allah est loué pour sa bienfaisance envers ses serviteurs. Et ceci fait partie de Ash-Shukr. Tu loues Allah parce qu'il est bienfaisant envers toi. Ça fait partie du shukr, c'est ça qui est la reconnaissance. وَحُمِدَ لِمَا يَسْتَحِقُّهُ هُوَ بِنَفْسِهِ مِنْ نُعُوتِ كَمَالِ وَهُوَ الْحَمْدُ وَهَذَا الْحَمْدُ عَفْوًا وَهَذَا الْحَمْدُ لَا يَكُنُ إِلَّا لِمَنْ هُوَ مُتَّصِفٌ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ Le deuxième type, c'est qu'Allah est loué de par ce qu'il mérite en lui-même comme attribut de perfection. Et cette louange-là ne peut être attribuée si ce n'est à celui qui est décrit par les attributs de perfection. En résumé, Allah est loué pour deux choses. On le loue pour sa bienfaisance envers nous et on le loue parce qu'il est parfait. Nous louons Allah pour sa bienfaisance envers nous, parce qu'il nous a créés, parce qu'il nous a tout donné. Et on le loue parce qu'il est parfait. Dans ses noms, dans ses attributs, dans ses actions, dans son jugement. Comme a dit Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dans Majmu' al-Fatawa. Wa tarahham ala ustadi wa shaykhi Fahd rahimahullah ta'ala alladhi يعني أول مرة سمعت لأول مرة سمعت أو في درسي لأول مرة سمعت هذه الفائدة النفيسة الجليلة عندي et j'invoque en faveur de mon cheikh, de mon enseignant Fahd rahimahullah ta'ala, celui dans l'assise duquel sur le toit du marquez de Cheikh Mokbil dos à la maktaba de Cheikh Mokbil rahimahullah ta'ala, la première fois que j'ai entendu cette faïda était de sa bouche, rahimahullahu ta'ala. Amma hamdu subhanahu ala ihsani ila ibadi fa li anna ni'mata mujibatun li hamdi al-mun'im. Al-Sheikh nous explique et dit, quant au fait de louer Allah pour sa bienfaisance envers ses serviteurs, car le bienfait requiert de notre part le fait de louer le donateur. Celui qui nous a donné, c'est Allah. Tout bienfait que nous avons, c'est Allah. Ça vient d'Allah. Donc on doit louer Allah pour ses bienfaits. والنعم كلها من الله وهذا النوع من الحمد مشهود للخليقة برها وفاجرها. Et le fait de louer Allah pour ses bienfaits, du fait qu'il nous a tout donné, tu peux le voir de celui qui est bon et de celui qui est mauvais, de l'ensemble des serviteurs. مُؤْمِنُهَا مُؤْمِنِهَا وَكَافِرَهَا Tu peux trouver cela du croyant et du non-croyant. مِنْ جَزِيلِ مَوَاهِبِهِ وَسِعَةِ عَطَايَاهِ وَكَرِيمِ أَيَادِهِ De par la vastité de ce qu'il donne, la grandeur de ce qu'il octroie. وَجَلْمِيلِ صَنَائِعِهِ وَحُسْنِ إِكْرَامِ لِعِبَادِهِ وسعة رحمتي وسعة رحمتي لهم وبره لطفه ولطفه وإجابة لدعوات المضطرين وكشف كربات المكروبين وإغاثة الملهوفين ورحمتي للعالمين وابتدائه بالنعم قبل السؤال ومن غير استحقاق بل ابتداء منه بمجرد فضله وكرمه وإحسانه ودفع المحن والبلايا بعد انعقاد أسبابها وصرفها بعد وقوعها ولطفه تعالى في ذلك إلى ما لا تبلغ الآمال وهدايته خاصته وعباده إلى سبيل دار السلام. Allah subhanahu wa ta'ala est loué pour ses bienfaits. Car lorsque on te donne un bienfait, tu te dois de louer celui qui t'a donné ce bienfait. Et Allah est le détenteur et le donateur de l'ensemble des bienfaits qui nous touchent. Et cette sorte de louange, tu la trouves de l'ensemble des gens, des créatures, les bons et les mauvais. De par la multitude de ce qu'Allah octroie, la grandeur de ce qu'il donne et sa générosité. De par la vasté et sa miséricorde envers eux, sa bonté et sa douceur, il répond à l'invocation de celui qui est dans la difficulté, dans un problème majeur. Il dissipe l'affliction de celui qui est dans le problème. Il secourt celui qui est dans le mal. Il fait miséricorde au monde. Il donne son bienfait avant qu'on lui demande, sans qu'on ne soit en droit de le recevoir. Mais c'est lui, en premier lieu, qui l'octroie, simplement de par sa bonté et sa bienfaisance, pour honorer ses serviteurs. C'est lui qui repousse de nous les épreuves et les maux, alors que les causes sont réunies pour qu'on en soit touché. C'est lui qui repousse de nous ces difficultés et ces épreuves afin qu'elles ne nous touchent pas, par douceur envers ses serviteurs. Il donne à ses serviteurs au-delà de ce qu'ils espéraient. Et il guide tout particulièrement ses serviteurs sur le chemin de la demeure de la paix. وَمُدَافَعَتُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ الدِّفَاعِ. Il les défend et repousse de le mal de la plus belle façon. وَحِمَايَتُهُمْ مِنَ الْوُقُوعِ فِي الْآثَامِ. Et donc ici, l'auteur mentionne des choses qui sont générales, qui touchent tout le monde. Puis il mentionne des choses particulières pour les croyants, comme le fait qu'il préserve ses serviteurs pieux de tomber dans les péchés. وَحَبَّبَ إِلَيْهِمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِهِمْ وَكَرَّهَ إِلَيْهِمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَجَعَلَهُمْ مِنَ الرَّاشِدِينَ وَفَتَحَ لَهُمْ أَبْوَابَ الْهِدَايَةِ وَعَرَّفَهُمُ الْأَسْبَابَ الَّتِي تُدْنِيهِمْ مِنْ رِضَاهُ وَتُبَعِّدُهُمْ عَنْ غَضَبِهِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ نِعَمِهِ الَّتِي لَا تُحْصَى وَآلَائِهِ الَّتِي لَا تُسْتَقْصَى وَمَنْ أَرَادَ مُطَالَعَةَ أُصُولِ النعم وما توجبه من حمد الله وذكره وشكره وحسن عبادته فليدم سرح الذكر في رياض القرآن الكريم وليتأمل ما أعد الله فيه من نعم وعرف بها إلى عباده من أول القرآن إلى آخره. الله عز وجل quant à ses serviteurs pieux et particuliers, il repousse d'eux le mal de la plus belle façon. Il les protège de tomber dans les péchés. Il leur fait aimer la foi et l'embellit dans leur cœur. Il leur fait détester la mécréance, la perversion. Et il les joint au nombre des gens bien guidés, ceux qui suivent le Coran et la Sunna, ceux qui obéissent à Allah et son messager. Il leur ouvre les portes de la guidée. Il leur fait connaître les causes qui vont leur permettre de les rapprocher de son agrément. Il les éloigne et les éloigne de sa colère. Et encore beaucoup d'autres choses parmi les bienfaits d'Allah qui sont indénombrables. Et ces faveurs qu'on ne peut compter. Et celui qui veut passer en revue les bases des bienfaits d'Allah Azza wa Jal, ainsi et savoir ainsi pourquoi on doit louer Allah, le mentionner, être reconnaissant envers lui et l'adorer de la plus belle façon, qu'il plonge dans le jardin des vertueux, qu'il médite le Coran et qu'il voit à l'intérieur, qu'il voit à l'intérieur ce qu'il y trouvera comme bienfait d'Allah. Comme bienfait d'Allah et ce qu'Allah Azza wa Jal a fait connaître à ses serviteurs du début jusqu'à la fin du Coran. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ شُكْرًا وَلَوْ الْحَمْدُ فَضْلًا وَلَوْ الْحَمْدُ بِالْإِسْلَامِ وَلَوْ الْحَمْدُ بِالْإِيمَانِ وَلَوْ الْحَمْدُ بِالْقُرْآنِ وَلَوْ الْحَمْدُ بِالْأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْمُعَافَاةِ لَوْ الْحَمْدُ بِكُلِّ نِعْمَةٍ أَنْعَمَ بِهَا فِي قَدِيمٍ أَوْ حَدِيثٍ أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. Ainsi revient à Allah la louange, ou ainsi nous témoignons notre reconnaissance envers Allah en proclamant sa louange. Allah, à lui revient la louange, on témoigne notre reconnaissance par cela. À Allah revient la louange pour ses bienfaits. On loue Allah subhanahu wa ta'ala pour l'islam. On loue Allah pour la foi. On loue Allah pour le Coran. On loue Allah pour la famille, pour l'argent et pour le fait d'être préservé ou en bonne santé. Nous louons Allah pour tout bienfait qu'il nous a accordé, que ce soit antérieur ou que ce soit actuellement, que ce soit en privé ou que ce soit au grand jour, que ce soit particulier ou que ce soit général. Une louange nombreuses ou multiples, bonnes et bénies, tout comme il plaît à notre Seigneur et il aime. واما حمد سبحانه لما له من الاسماء والصفات ولما يستحق من كمال النعوت فامر متواتر فانه سبحانه قد حمد نفسه في كتابه على ربوبيته للعالمين وحمد نفسه على تفرده بالإلهية وحمد نفسه على كمال اسمائه وعظمه صفاته وحمد نفسه على امتناع اتصافه بما لا يليق به من اتخاذ الولد والشريك وموالاة أحد من خلقه لحاجته إليه كما قال تعالى قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وحمد نفسه على عظمته وكبريائه كما قال سبحانه فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وحمد نفسه في الأولى والآخرة وأخبر عن سريان الحمد في العالم العلوي والسفلي ونبه على ذلك كله في كتابه في آيات عديدة تدل على تنوع حمده سبحانه وتعدد أسباب حمده وقد جمعها الله في مواطن من كتابه وفرقها في مواطن أخرى في مواطن أخرى ليتعرف إليه عباده وليتعرفوا كيف يحمدونه وكيف يثنون عليه وليتحبب إليهم بذلك ويحبهم إذا عرفوه وأحبوه وحمدوه. وقد ورد الحمد في القرآن الكريم في أكثر من 40 موضعا جمع في بعضها أسباب الحمد وفي بعضها ذكرت أسباب مفصلة. Quant au fait qu'Allah Azza wa Jal soit loué de par ce qu'il a comme perfection dans ses noms, dans ses attributs, de ce qui lui revient de droit comme perfection absolue dans sa description, ça c'est une chose très répandue. Allah subhanahu wa ta'ala a proclamé sa propre louange dans son livre du fait que c'est le Seigneur des mondes. Il a proclamé sa louange du fait que c'est la seule divinité digne d'être adorée. Il a proclamé sa louange de par l'immensité dans ses noms et ses attributs. Et le fait qu'il n'a pas besoin d'un allié pour se renforcer, ni de prendre un enfant ou un associé. Dans Sourate Al-Isra, Allah Azza wa Jal nous dit sur la traduction du sens de ce verset, et dit « Louange à Allah qui ne s'est jamais attribué un enfant, qui n'a point d'associé en la royauté, qui n'a jamais eu de protecteur de l'humiliation et proclame hautement sa grandeur. » Allah Azza wa Jal a proclamé sa louange de par son immensité et sa grandeur. Dans Sourate Al-Jathiyah, il nous dit « Louange à Allah, Seigneur des cieux et Seigneur de la terre, Seigneur de l'univers, à lui la grandeur dans les cieux, à lui la grandeur dans les cieux et la terre, et c'est lui le puissant et le sage. » Dans de nombreux versets, Allah Azza wa Jal nous mentionne sa louange, de manière générale, de manière détaillée. Tantôt il unit dans des versets, tantôt il les distingue. Tout cela pour que ses serviteurs le connaissent, pour se faire connaître auprès de ses serviteurs, pour qu'ils l'aiment, pour qu'ils sachent comment louer Allah et faire ses éloges. Il se fait aimer d'eux, il se fait connaître d'eux, ainsi il l'aime, il le mentionne, ils le connaissent, ils le louent. Et la louange d'Allah Azza wa Jal dans le Coran a été mentionnée plus de 4, dans plus de 40 endroits du Coran. Et tantôt on y mentionne les causes pour proclamer sa louange de manière générale, et tantôt on les cite de manière détaillée. Dans Surat Al-Qasas et dans Surat Saba, on nous dit, toujours sur l'essence de ces versets, louange à Allah à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre, et louange à lui dans l'au-delà, et c'est lui le sage, le parfaitement connaisseur. C'est lui Allah, nulle divinité digne d'être adorée à part lui. À lui la louange ici-bas comme dans l'au-delà, à lui appartient le jugement et vers lui vous serez ramenés. ومن الآيات التي ذكر فيها أسباب الحمد مفصلة قوله تعالى وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ففيها حمده على نعمة دخول الجنة. Et il y a des versets dans lesquels Allah Azza wa Jal nous mentionne les causes pour lesquelles il est loué de manière détaillée. Par exemple, dans ce verset de Surat Al-A'raf, Allah Azza wa Jal nous mentionne qu'il mérite d'être loué parce qu'il fait entrer des gens au paradis. Lorsqu'il nous dit, les messagers de notre Seigneur sont venus à nous avec la vérité et on leur proclamera, ou plutôt avant ça, louange à Allah qui nous a guidés à ceci. Nous n'aurions pas été guidés si Allah ne nous avait pas guidés. وقوله تعالى وقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين ففيها حمد على النصر على الأعداء والسلامة من شرهم. On loue Allah aussi lorsqu'il nous secourt et lorsqu'il nous préserve de nos ennemis. C'est pour cela qu'on nous dit, et dit, toutes les louanges reviennent de droit à Allah, celui qui nous a sauvés du peuple injuste. وقوله تعالى فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. Dans Surat Ghafir, et invoquez-le donc d'un culte sincère, toutes les louanges reviennent de droit à Allah, le Seigneur des mondes. Ici on le loue pour le bienfait du tawhid, de la sincérité dans l'adoration. Juste pour finir, وقوله تعالى الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء ففيها حمده سبحانه على هبة الولد وقوله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا ففيها حمد سبحانه على نعمة إنزال القرآن الكريم قيما لا عوج فيه وقوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ففيها حمد سبحانه لكماله وجلاله وتنزهه عن النقائص والعيوب والآيات في هذا المعنى كثيرة والله تعالى قد افتتح كتابه بالحمد وافتتح بعض سور القرآن بالحمد وافتتح خلقه بالحمد واختتمه بالحمد فله الحمد أولا وآخرا وله الشكر ظاهرا وباطنا وهو الحميد المجيد. Donc l'auteur nous mentionne ici certains versets particuliers où Allah a cité particulièrement des bienfaits pour lesquels il est loué, ou des perfections pour lesquelles il est loué. Dans Surat Ibrahim, louange à Allah qui en dépit de ma vieillesse m'a donné Ismaïl et Ishaq. Certes mon Seigneur entend bien les prières ou répond aux invocations. Ici on loue Allah pour le don de l'enfant. Dans Surat Al-Kahf, louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur le livre et qui n'y a point introduit de tortuosité. Ici, on loue Allah pour le bienfait de la révélation du noble Coran, parfait sans tortuosité. Dans Surat Al-Isra, وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا et dit, toutes les louanges reviennent de droit à Allah, celui qui ne s'est point attribué d'enfant, وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ qui n'a pas d'associé dans la royauté, وَلَمْ يَكُلْ لَهُ وَلِيٌ مِنَ الذُّلِ et qui n'a pas d'allié de par sa faiblesse, وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا et proclame sa grandeur. Ici on loue Allah pour sa perfection, pour son immensité, et pour le fait qu'il soit exempt de tout défaut et de toute imperfection. Et les versets dans ce sens sont très nombreux. Allah Azza wa Jal a commencé son livre, Al-Qur'an, par Al-Hamd. Dans le Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et il a commencé certaines sourates du Qur'an par Al-Hamd, comme vous avez entendu pour la prière du Isha. Et il a commencé sa création par Al-Hamd, par la louange. Et il l'a fini par Al-Hamd. Donc toutes les louanges reviennent de droit à Allah, au début comme à la fin, et toute la reconnaissance lui revient de manière apparente et cachée, et c'est lui le digne louange et Al-Majid. C'est lui le digne de louange et Al-Majid. Pour finir, celui qui est éprouvé, il loue aussi Allah. Allah Azza wa Jal est loué pour ses bienfaits. Il est aussi loué dans la difficulté. Alhamdulillah ala kulli hal. Celui qui a un malheur, il dit Alhamdulillah ala kulli hal. Et Abu Moussa Al-Ash'ari nous mentionne un hadith qu'il a entendu du prophète alayhi salatu wassalam. Ce hadith est rapporté par l'imam al-Tirmidhi. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللَّهُ لِمَلَائِكَتِي قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيَقُولُ قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِي فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيَقُولُ مَاذَا قَالَ عَبْدِي فَيَقُولُونَ حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ فيقول الله تعالى ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. Le prophète عليه الصلاة والسلام nous dit: lorsque l'enfant d'un serviteur meurt, Allah dit aux anges: vous avez pris l'enfant de mon serviteur? Ils répondent: oui. Il dit: vous avez pris le fruit de son cœur? Ils disent: oui. Il leur dit: et qu'a dit mon serviteur? Après cette grande épreuve, qu'a dit mon serviteur? Ils répondent: il a dit Alhamdulillah. Et il a dit Inna lillah wa inna ilayhi raji'u. Il a dit Alhamdulillah. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah. Et c'est Allah que nous appartenons et vers lui que se fera notre retour. Alors Allah dit aux anges: construisez pour mon serviteur une maison au paradis. Et appelez-la la demeure de Alhamd. Appelez-la la demeure de Alhamd. Voici une consolation pour chaque personne qui a perdu un enfant et qui s'est montré endurant et patient. Et on demande à Allah Azza wa Jal de panser leurs blessures et de leur accorder la grande récompense de l'épreuve et de leur remplacer par meilleur que ceux qu'ils ont perdu. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.